mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. CKRL, la radio communautaire de l'année pour une troisième année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La bande vidéo, les éditions Intervention, Table de quartier, l'engrenage de Saint-Roch, Société d'art et d'histoire de Beauport. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Ici Jessica Leb. Votre émission gourmande est de retour à CKRL. Le jeudi 16 novembre de 18h30 à 20h, j'aurai le plaisir d'animer Saveurs et Cultures en direct de la Korrigane. Pendant 1h30, découvrez les produits locaux préférés du groupe de Québec, les Chercheurs d'or. Quelles seront leurs bières, spiritueux, cocktails et plats québécois favoris? Des dégustations seront offertes sur place et les Chercheurs d'or seront en prestation pour l'occasion. Soyez des nôtres au 380 rue Dorchester ou sur les ondes de CKRL le 16 novembre dès 18h30. C'est un rendez-vous. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, Michel avec Monsieur B. Et oui, je l'ai rebaptisé, je trouve que ça y va mieux de même. Monsieur B, donc. Et ensemble, on va vous présenter deux bonnes heures de rock progressif, plein de nouveautés et quelques coups de cœur, dont celui-ci, on va ouvrir ce soir avec, je pense que c'est mon coup de cœur, ça fait longtemps que j'ai pas aimé un disque comme ça. Un groupe britannique qui a pour nom Magic Bus, le disque, c'est drôle de titre, le Philip the Egg. Et écoutez, imaginez un groupe qui a écouté du Caravan, du Steve Lage, du Gong, du Strubs, Genesis, Gentle Giant, et puis qui décide de tout marier cela. Et ces jeunes-là ont réussi d'une façon qui m'a impressionné vraiment. C'est sublime. Donc, Magic Bus, c'est mon coup de cœur. C'est l'album Philip the Egg. On écoute une pièce pour amorcer donc Terra Incognita ce soir. Magic Bus. Thank you. was walking around just the other day, dreaming of surfing waves, when I found myself in a sleepy town, looking for a place to play. Holes and beetroot box through the misty haze. Then in a blink, I was in the blue, heading for the States. Good morning, mystical mountain. Time out with hope and joy, look into the c'è un tempo per vivere e c'è un tempo per morire. Un tempo per piangere ed un tempo per gioire. Dietro sciami di stelle si nasconde la paura. Quando arriva l'inverno e la notte si fa scura, guardiamo le nuvole lontano all'orizzonte, confusi ma liberi, col sudore sulla fronte. Non ci ha mai dimenticato. Per vivere e c'è un tempo per morire. Un tempo per piangere ed un tempo per gioire. Chiusi e l'immenso nel mio cuore, io ritrovo me stesso fra tramonti.

familiarity of old lovers, the secret rendezvous, the members club in Chelsea, no one ever knew. The uncertainty of knowing whether it could last, it might have done, but who knows, it's buried in the past. Ça fait plaisir d'entendre des vétérans des années 70 nous revenir avec un superbe disque comme ça. C'est The Straubs, eh oui. Bon, probablement que vous avez reconnu la voix de, du chanteur, effectivement. Là, il y a une voix assez remarquable, on ne l'oublie pas. C'était The Straws, The Ferryman's Curse. J'ai l'impression que c'est peut-être leur dernier, mais en fait, si c'est ça, ils terminent en beauté. Superbe album. On n'est pas loin de la source, comme on dit. Donc, The Ferryman's Curse de Straws. Avant, on avait Aqua Fragile. Ça, c'est un retour que je pensais jamais voir. Le groupe a publié deux disques dans les années 70. Le dernier, Mass Media Stars, en 74. Donc, ça fait 43 ans. Et le retour après 43 ans avec un nouvel album, A New Chant. Et pour ceux qui connaissent pas Aqua Fragile, c'était le premier groupe du chanteur Bernardo Lanzetti, qui a fait partie de PFM à une certaine époque, le Chocolate Kings et tout ça, là, dans ce coin-là. Et on en parle des fois, moi et Bruno, on trouve que le chanteur peut-être, des fois la voix nous rappelle un peu Julien Clerc. Ça peut avoir l'air bizarre comme ça, mais pensez-y à écouter, et puis vous verrez que c'est pas si fou que ça. Donc, Aqua Fragile, nouveauté italienne, A New Chant. Et parlant d'Italie, un autre vétéran de la scène italienne, Aldo Tagliapietra, un nouveau disque solo, Invisibili Rialta. Monsieur Aldo, c'est l'ancien chanteur de la voix de Liormé. Pour moi, c'est la voix de Liormé. Quand il a quitté, c'était bon, mais c'était pas pareil. C'est comme Yes sans John Anderson pour moi. Donc, ça vient de sortir, Aldo Tagliapietra, Invisibili Rialta. Je pense que c'est son deuxième ou troisième solo. Et on avait donné le coup d'envoi avec Magic Bus, mon coup de cœur britannique, de l'album Philip the Egg. On va aller faire un petit tour du côté de l'Italie cette fois-ci avec encore un jeune groupe. L'Italie, franchement, c'est une pépinière. En tout cas, on ne voit pas la fin, il en sort tout le temps. Un nouveau groupe qui a pour nom de 40 Days. L'album, c'est The Color of Change. Vraiment bon, ça aussi. On va écouter ça. Le temps de vous rappeler que vous êtes à Terra Incognita avec Monsieur B et Michel ce soir jusqu'à minuit. Et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1.

My eyes did not see through my radio. is only here my heart. My fingers are falling apart. Is this gonna change again? Oh, is this the end? A hole in the darkness of hell. Cold as ice and dark as night, my life fall out as my blood will shed. It's in my head and I stop in bed. My bones are dispersed and across the earth. My world all binds in the gates of time. There's no place to escape your sun to shine. The stars are worn out, the seas are drowned. My mouth alone, I need to shut out. All began if I can think it all, and now I understand the music began. Now I hear the band, now I recall a teaching sent. My company lost in this far land, and some old friends is holding my hand. I wonder the way he had it planned. Chain you to the marketplace. Money boys, you cheering by. And the homeboy back on shoulder high. Today the road around is run. Shoulder high, we bring you home and set you on your threshold down. The clown can no more feel the crowd. Small times of mine are gone away from fields where. Why? It had the body in my My eyes did not see through my lids. My ears only hear my heart. My fingers falling apart. Is this gonna change again? Oh, is this the end? A hole in the darkness of hell. CARL.QC.CA. Pneu Bazar et CKRL vous offrent la possibilité de gagner un certificat cadeau de 400$ au meilleur centre de pneus à Limoilou. À compter du 13 novembre, écoutez les matins éphémères entre 6h30 et 9h et un finaliste par jour sera sélectionné parmi les appels reçus. Le grand tirage aura lieu le 24 novembre. Pneu Bazar, 70 3e Avenue à Limoilou. 88 522 1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneumazar.com. Chez Pneumazar, on prend soin de vous. Tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolite, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolite.qc.ca. De retour à Terra Incognita. On va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On avait ce qui a bouclé finalement notre deuxième demi-heure. Il y avait Circus, une formation trifluvienne qui a donné le coup d'envoi avec son premier disque, un album double. Il fallait le faire. Je pense qu'il y avait beaucoup de matériel d'accumuler au cours des années. Donc, Circus Wild Dogs. Et en passant, le groupe sera à Québec la semaine prochaine, samedi, pour un déjeuner Terra. On les reçoit. C'est un déjeuner où le groupe est supposé nous présenter 3 ou 4 pièces en façon acoustique. Si jamais il y en a qui sont intéressés à assister à ce déjeuner progressif, eh bien, rendez-vous sur la page Facebook de Terra Incognita et écrivez-nous. Il reste encore quelques places de disponibles. Donc, Circus, la semaine prochaine, au déjeuner prog de Terra. Et avant, on avait Eden Song, mais version spéciale de Down the Hours, enregistrée en mai dernier au Centre d'art La Chapelle, au Festival Terra Incognita. Donc, version que James m'a envoyée aujourd'hui. Down the Hours, live à Terra Incognita 2017. Et tout juste avant, on avait deux formations italiennes. En fait, artiste solo Andrea Orlando, un musicien italien qui a joué avec, mon Dieu, qui fait partie de la Conscienza di Zeno, qui a joué avec la Maschera di Cera. Il y a quand même pas mal de millages, le monsieur. Donc, Andrea Orlando, Dalla Vita Autentica. Et on avait amorcé avec le 40 Days, The Color of Change, nouveauté italienne, encore une jeune formation qui nous arrive avec un disque, oui, en anglais, mais ça me fait penser un peu comme à Sailor Noise, un peu le cas. Ça leur convient très bien. Donc, The 40 Days, un début prometteur pour cette formation italienne. Bon, on va aller faire un petit coup. Oui. Ah ben, juste avant, là, parce qu'on parlait d'Eden Song. Tant qu'à y être, on va vous rappeler que le groupe qui... je pense que c'est le groupe qui a retenu le plus l'attention lors du dernier festival en mai dernier. Ben, ils vont être de retour le 15 avril au Centre d'art, seuls. Donc, pas dans le cadre d'un festival. Et puis, James m'a parlé d'un spectacle renouvelé à 90%. Donc, si vous les avez déjà vus, ben, ça ne sera pas la même chose. Il m'a promis que ça serait vraiment modifié. Donc, Eden Song, le 15 avril, les billets sont en vente depuis peut-être 2 semaines maintenant. Et puis, ça s'en va d'assez bien. Je pense qu'on va avoir une belle salle ce soir-là. Là, on y va en Norvège avec une nouveauté. Arab in Aspic, je pense que certaines personnes y sont familières avec ce groupe. Si vous écoutez le moindrement, c'est Terra Incognita, je pense qu'on a passé à un moment donné pas mal. Nouveauté, donc, ça s'appelle Sindenes Magi. Et c'est un disque pour le groupe, c'est un retour vraiment au prog, parce qu'il y a eu deux, trois disques un peu plus, entre guillemets, stoner, mais là, c'est un retour au prog, et puis d'ailleurs, vous allez sûrement reconnaître la source d'inspiration de cette pièce. On y va avec Arab in the Speak. Jeg biter deg i hjertet, jeg

Perfect harmony. We've got 89.1. Pneus Bazar et CKRL vous offrent la possibilité de gagner un certificat cadeau de 400$ au meilleur centre de pneus à Limoilou. À compter du 13 novembre, écoutez les matins éphémères entre 6h30 et 9h et un finaliste par jour sera sélectionné parmi les appels reçus. Le grand tirage aura lieu le 24 novembre. Pneus Bazar, 70 3e avenue à Limoilou, 88-522-1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneumazar.com. Chez Pneus Bazar, on prend soin de vous. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. La mort dans la vie, c'est une bonne affaire quand ça arrive aux autres. Tranche Q, c'est 14 personnages qui montent aux barricades pour clamer haut et fort ce qu'ils pensent de l'humanité. C'est une pièce tranchante comme un couteau bien affilé. Les mots de Jean-Philippe Barry-Guerrard dans une mise en scène d'Angélique Patterson. Tranche Q, une présentation du collectif De Feu, du 6 au 16 novembre au bar-spectacle Le Quartier de Lune. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Et Michel et Monsieur B de retour. Oui, je pense qu'on va remonter, mais ça sera pas très long parce qu'on a eu deux belles longues pièces. Donc, ce qui a bouclé, c'était Liam Davidson, ancien guitariste la première époque de Mosley Houghton. J'ai choisi d'en passer ce soir parce que Liam Davidson est décédé cette semaine, donc. On lève notre chapeau à M. Davidson. C'est son disque solo, des extraits de son disque solo, A Treasure of Well-Set Jewels. Et on avait amorcé avec Aram & Aspic de leur nouveauté, Sindenes Maggie, ou Maggie, Maggie. Enfin, là, je ne sais pas si c'est en latin ou en norvégien. Et puis. Parlant de la Norvège, on retourne en Norvège pour on commence notre dernier bloc avec une formation norvégienne que pour nom, là, évidemment, sous réserve, Jords Sjo, je vais vous l'appeler, J-O-R-D-S-J-O, de l'album Jord. Je pense que ça va rappeler certains souvenirs. Ça ne vient pas de la Norvège pour rien, de la Scandinavie. On écoute donc George Slow. Sjelens bunnløse jord. thanks on the light and God. We hike through the mountains to the ancient wood. We dance round all the stars, sang with the rising dawn, and gave our hearts to summer. Thank you. my dreams, I see the world fall beneath me. I'm going to a place I've never been before. Above the clouds I'm floating, and now the sky is glowing. Approaching Golden Gates, I'm knocking at the door. Can't believe the face I see. A familiar spirit speaks from the other side. His words echo deep within me, songs I never heard him sing. His presence is the voice that's knocking at my door. Behind. Spirit stares into my heart, but it's love tearing me apart. Who do I leave behind when I close the door?